Suite de l'interview de M. Boehmer Léon, né en 1908 à Géraumont, résident à Géraumont, M. Boehmer est forgeron. Cette interview a été réalisée en 1979. Condirono 45 francs. E ho mi dire, voi non è voi, dove sa che non mi chiedo il burro? Per Richard si manda a aprire lui, di vendi, stendiro in un eco del burro alla Lemon. Io di, in questo di Dio, sai, io non ho fatto brama di affare, di sa manda passe, io fai cosmetici. O si ha detto, volevo voi, ancora quel 3 mi chiedo il burro. Io avevo compreso il gamavo, lui non pischi, e non avevo chiedo lui, ti fai bene, ti mi vero una. A sua manda, poi vorrei dire, come non gliela correvo? Ma vai di stella, ma mi sono che vuoi ne so, ma sa per di stella, si vuoi dire che ti le qua in giù. Oh, ma di stella, sa va? E andavo a vedere, un mi chiedo il burro, tutto lì che ti le qua in giù, al copredino della sua vita, ma... Elle avait ses trois filles qui étaient en guerre, elle avait trois filles qui étaient en guerre. Elle dit qu'elle ne voulait pas aller libérer les gens. Et nous payons le bourg 45 francs, à 90 francs le kilo. Donc c'est une histoire d'un exagéré. Mais quand on va à cela, on se fait la camarade. Et puis on s'est dit qu'il fait ce que vous dites à moi. On va me faire marrer. Marrer, c'est-tu. C'est-tu, il y a une homme d'acte. Ben dis-tu, il y a des hierbes filles, dis-tu. Pas cher, oui, dis-tu, tu me l'as fait, ben, on va y faire, donc. On va y dire, oui, attaquer un bateau, je vais à peu près, ben, qui m'a installé. Oui, ben, comment se dire, oh, ben, dis-tu, tu ne veux pas descendre, t'aimes bien manier. Oh, ben, oui. Eh ben, on me donne un pont, ou on me donne des bourres, ou on me donne des grains, ou on me donne des torrents sur l'autre. Oh, il y avait des torrents sur l'autre. Enfin, quand il a été l'hostie, qu'il dit, allez, vont coup de main, puisqu'on dit, allez, sauvant, ben, il dit, tu ne veux pas amener non nez au coup de main. Ben, oh, il avait, c'était des vieux hommes et des gamins, qui, non? Oh, sûr. Eh ben, il allait faire, il fait, couper les grains et tout ça, et chérion, vous l'aile, pour mettre les grains en route et tout ça. Eh ben, il y a que les vieux pour ça. Et on me donnait des huit, pas pour ça, on me donnait des grains, parce que j'allais travailler, et puis on a tué, on me fait faire un pont comme ça, hein, qui était intéressant. Et puis j'allais quand il les joue, quand il les sait, j'allais quand une gueule de les sait comme ça, tous les joue. Oh, mais ouais, c'est ça, allait faire. Il y avait une maison, il y avait une caille maison dans les mecs, ni de me déranger pas d'avoir mangé. Oh, non, ça a vraiment battu. Oh, ouais. Pour dire que. Je vais vous raconter une autre. Il a une femme à Comblain parce qu'il y a une femme à la vente de Comblain. Et. Je te vois, c'est mon rôle de l'humain. Et dans la femme d'en face qui dit ainsi: hé oh, où t'en pour? Estelle, tu me venais faire un plaisir. Dit quoi? Elle venait direct chez Rival. Elle se parrain de Morin à Rival, à des bastons. Ben, Distel, l'énorme frère Distel qui m'a apporté 50 kilos de farine de blé, Distel. Tu ne veux pas aller courir, Distel, t'en as rien moité. Je ne savais pas déjà où est-ce que c'était un rétrival. À vélo. Ben, j'ai dit, à touriste, une pièce de l'hiver. Je dis que quelqu'un soit de me faire ramasser, mais il fallait pas risquer une sac. Et je dis à M. Woutin, ben, vous me dites, où est-ce que je vais récréer encore 50 kilos de farine. À vélo. Oh. Ben, je vais aller à vous tous les salles, je vais demander si on a quelques kilos pour mieux aussi. Enfin, vous me l'avez voulu récréer. Et j'arrive à dire, où est-ce que la femme m'avait renseigné. Ah, Distel, c'est Eva qui vous a envoyé, c'est Eva. Oh. Ah, ben, Distel, les femmes, venez. Vous allez soper à vous nos autres, vous n'aurez qu'à le dire ciao, et le bon matin, vous n'aurez qu'à aller chercher vos 50 kilos de farine. Ils sont en moins, hein, Chalto de Rudistel, on va faire un bourre, et vous n'aurez qu'à me râler. Eh bien, on va y voir en moi. Pour dire qu'on a deux réussis. Et non, mon équidien, c'est qui fait votre style comme mestille. Mitch Marho, dit. Marho, tu es 20 ans de style de Martin pour battre les pires du Molin. Aussi, dit. Il n'y avait pas eu le coup. Le coup, pour dire, ce n'est plus délicat, hein, sur la destin. Il y a une frère qui est à vous. Il y a des nénés, c'est vraiment des petits. Et des petits, on les pète à bastogne là, des petits, pour les faire faire, et quand t'as bougé deux quoi, vous des petits, ils n'ont pas été cassés. Mais comme je trempe pour les périr, il va courir à lui faire des mortels de moi, hein, mais il y avait dit, si je te fais des mortels de moi, hein, mais il n'y a pas de faire une scène, il y a une bonne année, ouais, hein, des petits, hein, mais d'autres. Quand il s'est arrivé, nous, on voulait 50 kilos de femme, il y avait 25 kilos d'alphème, puisqu'il avait été couru. On m'a envoyé un homme à Tchon qui savait bien qu'il faisait des Martin Molin, mon closon. Enfin, j'arrive, et je bouge, il va me répondre, un homme femme qui vient, qui courait, monsieur, ben, il dit, j'arrive à lever mon closon, dit, ben, on me répond, oh, ma distal closon est moyen, distal, et on a vendu tout le truc. Il n'a plus rien. Mais qui comptait sur les Martin Molin à la Closon, vous ne savez pas qui a arrêté les affaires de la Closon. Au sein du stade, c'est Thomas Rotpoussure, c'est Évrard. Oh, putain, belle, on l'a vu, moi, Évrard. Il monte Évrard. Quand tu avais arrêté les affaires de mon Closon, tu n'avais plus de Martin Molin. Aussi, a dit, non, père, a dit, style, où est-ce que tu es? T'as un bon marché. Mais c'est tout, tu es bien gros mortel comme cela, tu es nous. Mais n'est-ce pas notre un pire? Tu bannez-vous? Je dis, ah, vous tenez un terrain de volet, dit, c'est pesant, je ne prendrai pas ton cela. Au fait, il y avait appelé une bonne mallette, il avait tapé son verre. Bah, il y en avait un compagnon, mais quand j'ai mis fait les feux, et j'ai trempé les mortels. Bah, je bouillis sur les pires, et puis j'ai le kiff les bêtises, il va y avoir des bouillis là. J'ai dit, ça va. On m'a refilé ça, retiré, on m'a mis 400 jours après. Hein, c'était son marro, oh. À des mortels. Bah, ouais, hein, dit, il y en avait un, il y en aurait un à faire le voie, à vue, pour les vues. Il avait les morts. Oh, malheureux, dis-tu, qui les eustaient? Mon Dieu, s'ils sont aussi bons qu'ils sont bêtes, dis-tu, je sais quoi. Il y avait une pire qui était justement montée, parce que c'est deux pires qui tournaient sur l'autre, c'est des pires spéciales, nous allons se faire faire d'heure. Ben, où ben, dis-tu, nous allons s'aille? Je me dis, pas tant que résister, hein? Il faut que les manches sont mortes. Ça, c'est bon, c'est des manches spéciales. Et on l'a attaqué à bouillir. Et ça, pour le qui fait, il retourne. Parce qu'il y avait une bêchette de chaque côté. Il retourne. Il reprend une roi. Ben voilà, c'est extra, hein, c'est. Il y a des qui disent, battre pas d'autres mes pires à vous te marter. Autrement, le coup pour l'été, il y a même des fallait faire un maïsic, et il y a une fille pure, hein. Qui vous? Oh, je dis, de faire un, pas un petit vous. Il a des farines de blé, il a des farines de frume, il a des farines de oise. Hein? Oh, ben, je lui fais 50 kilos de farine. Prends un peu de laisse pour des titres, pour faire des biscuits, pour les efforts. Mais quand je vais à Soulami, il avait un moulin Charles qui moulait pour les sentiers, il avait un café rond qui moulait pour ravitaillement, il avait un Charles qui moulait. Il n'y avait aucun genre, on m'a attaqué à faire le tour de tous les bouddhis. Et je me suis dit, non, mais il m'a été arrivé. Pour que vous sachiez qu'il est mort. Aussi, on a un vent. Bah, je dis, c'est pour le faire, non, bah, oui, hein. Eh bien, j'ai dit, il faut le mort, il faut le mort. Quand il y a des râles, il faut me donner 15 ou 20 kilos de farine. Enfin, il n'y avait pas d'aller venir. Et j'ai tiré un prot. Et j'avais te dit de le faire à l'avance. Ben oui, puisque. Avoir le ravitaillement, et ce qu'il y avait aussi plus. Hein? Parce que je faisais les tours, on comptait les mêmes, mais pas des sûr de nettoyer à moi aussi. De M. Bemer Léon, né en 1908 à Géraumont, Comblain-au-Pont, Forgeron. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par messieurs Dechaine et Mikils. On parle de ce pour les séquestres, quand l'armée est mariée, ou aller bouillir sur les filles, c'est fait dans une affaire pour les filles, pour les filles. Oui, souvent on a fait que dans ce coup. Bon, je ne tenais que si franc pour cela. Je dis, ben enfin, ben oui, parce que je n'ai mis franc que toi, parce que je savais bien que notre maman, papa, bébé, pas vous savez. On avait fait pareil. Oui, enfin, je n'ai mis franc que toi dans les filles. Ben enfin, je l'ai fait plusieurs coups. Puis on vit, oui, c'était le beau temps, mon maman. Aïe, aïe, aïe. Oui, on avait des minéraux de balayage à vous cela. On avait des coviers qui bouillaient des vieilles marmites de vice. Oui, sur ces plaques-là, on va jouer contre contrat. Oui, et faire courir les galous. On allait les tomber une bouteille dans le pavé pour faire jouer qu'on avait pillé un coiré. C'était vraiment. On prête une bouteille, les tomber sur le sou, on dirait vraiment qu'on se paye une finesse. Mais on peut l'hydrater avant. Ah, toutes ces plaques-là, on a eu... Aïe, aïe, aïe. On avait des repugneux, Charles. Des rebouteux. Pugneux. Comment? Pour faire... Pour pugner. Oh, tiens. Aussi, toutes ces affaires-là, on avait... Quand on avait... On avait masse gauche, on avait masse dents, on avait dans les fesses, on y était tout. Et on ne saignait pas le masse dents, l'autre saignait pas... Ça ben ça que quand vous dites que ça va, quand vous avez mal, parce que souvent Charles devait aller périr, vous dites qu'il avait mal au poing. Et ben ça ben ce qu'il faisait. Et ben il faisait, on faisait trois tours dans tout disponible à bout de la laine. Et puis la laine à la pompe, parce qu'il y avait des robinets devant le temps, non? Et il allait pomper, elle fruitait là-dessus. Et quand on avait fait ça deux trois coups, ben on n'avait plus mal de poing. Fait sur la base saulnière, je ne sais, mais non. On faisait trois tours de laine à tout disponible, et puis il avait la pompe, et il avait la pompe, et il avait le fruit. J'avais eu fait sur plusieurs coups, par exemple. Oui. Et c'était souverain. Il y avait un des maquereaux. Oh, bah, on vient de dire ces affaires-là, mais on y crève déjà plus tard, parce que ce n'était déjà plus. Fuori éloigné, non, Charles. Nous étions déjà tout près de Comblain et ça s'habitait à faire. Mais tu n'es pas comme les cicatins de fuori éloigné des centres, par exemple. Bon, si on racontait tout ça d'affaires, il y en a raconté qu'on transporte des talons de 14. Il y a un papa qui a raconté, il est venu dans l'antenne et il est au mont. Et on y arrive, tu as dit du maquereau et tout ça d'affaires. Et il vive. Et qu'au bout, il dit l'homme, il ne sait qu'il lui il dit, il n'a aucune bravade. Et il était là qui, il disait, fatigue avant ses coups, ou fatigue qui fatigue, il avait le soin, enfin. Bon, enfin, après tout le temps, il dit, il va tomber dans le maréchal, tout de suite. Et voilà qu'il avance. Et ça a bien succès. Et bien, quand c'est dans le 6, et l'hivière, non, il a des vis trucs. Et bien, à l'heure de l'homme, et bien, qu'il glatille. Et vous direz qu'il n'y a aucun là, un lampe qui est devant une bohème. Et quand il arrive à tout près, hein, il pisse à devant, et puis il pisse dans la terre, et il tape dessus. Il dit, s'il n'y a qu'un casson, il est comme tout là, il n'aurait plus le cas, il cachait dans la terre. Oh, mais c'était tout à fait qu'on racontait. On racontait toutes les sources, maintenant on racontait toutes les sources, par exemple. Bon, parce que. Et il y avait les voisins qui me disaient que si c'est notre monde. Le grand feu, oh oui, le grand feu, oui, devant le temps. Et quand c'était quoi, il y a eu le bon grand feu, on allait ramasser toutes les spines qui se trouvaient dans le long des haies. On les rassemblait là-devant, en creux de vieille, on faisait le grand feu. Tous ans, on faisait le grand feu. On a qu'on voulait faire 6 semaines de chalac au Mont-Blanc. C'est dit. Et on l'avait fait sur le terrain de football, il avait couru des bouées et tout ton bazar pour faire des crêpes, non, et tout d'affaires, et on faisait une fièce à la chose, les cantines de football, là, qui même. En buvette, quoi. Et les deux divers d'hier samedi de la semaine passée, il avait apporté le grand feu pour le faire. Et on avait tout buté le feu, on disait tout brûlé, devant. Ce n'est pas un feu, parce qu'il avait envoyé des cartes de vin dans les morons, hein, qu'on faisait des crêpes, qu'on buvait, qu'on dansait en buvette de football. Hein. Témoignage. De l'interview de M. Bemer-Léon, né en 1908 à Géraumont, résident à Géraumont, M. Bemer est forgeron. Cette interview a été réalisée en 1979. 45 francs. Et on me dit, vous n'avez pas eu, vous savez que nous ne mettons l'autre bourre. Pour Richard, la semaine d'après, lui, il dit, viens distinguer une année que des bourres à l'allemand. Bah, il dit, une courte de ça, il en a fait vraiment des affaires la semaine passée. Il fait cosmétique. Aussi, vous l'avez vu encore, encore qu'il traîne mais qu'il l'autre bourre. Il avait compris le gamin, vous l'avez dit, il n'avait aucun lieu à plaisir, le lieu. Tu veux bien, dis-tu, hein, tu n'y vas rien, hein. La semaine d'après, vous dites, encore, vous ne l'avez pas compris. Mais vous dites, c'est le même son que vous me le sauvez, hein, sans pédistère, hein. Si vous me dites, il y a tout le coin un jour. Ah, ben, dis-tu, ça va. Et nous avons vu, on met qu'il l'autre bourre, toute la guerre, tout le coin un jour. Elle comprend de nous notre ravitaillement. Elle avait cette truffe qui est en guerre, elle avait truffé les talguers. Elle dit ah, qu'elle ne voulait pas les bords, les gens disent et nous payons pour 45 francs à 90 francs. Kilo. Donc c'est resté une exagérée. Mais quand on vient à cela, on se fait la camarade, et bien on s'est dit qu'est-ce que tu fais, tu es chef de cette amie. On va me faire marrer. Marrer, dis-tu. C'est-tu, il y a un homme d'âge. Mais dis-tu, il y a des hierbes filles, dis-tu. Pas cher, oui, dis-tu, tu me l'as fait bien. Mais moi, il fait, donc. On va dire, oui. T'as qu'un bâton, je vais à peu près bien. Qui m'a dit, allez. Oui, mais, comment se dire. Oh, ben, dis-tu, tu me voulais descendre, t'aimes bien manier. Oh, ben, oui. Eh bien, on me donne un pont, ou on me donne des bourres, ou on me donne des grains, ou on me donne des terrines sur l'autre. Oh, il y avait des terrines sur l'autre. Enfin, quand il a, ils étaient l'hostie, qu'il dit, allez, vont coup de main, puisqu'on dit, allez, sauvant. Ben, il dit, tu ne veux pas amener non, au coup de main. Ben, oh, il avait, c'était des vieux hommes et des gamins, qui, non? Oh, sûr. Eh bien, il allait faire couper les grains et tout ça, et chérir à vous l'aile, hein, pour mettre les grains en route et tout ça. Eh bien, il y avait clavé pour pousser, et on me donnait des huit pour pousser, on me donnait des grains, parce que j'allais travailler, et puis on a cuillé, on me fait faire un pont comme ça, qui était intéressant, et puis j'allais quand il était les joues, quand il laissait. Il y a les cousines juste de laisser comme ça tous les jours. Oh, mais ouais, c'est ça, les faits. Il y avait une maison, dans les mecs, ni de me déranger pour avoir mangé. Oh, non, ça a vraiment battu. Oh, ouais. Pour dire que je vais raconter une autre. Il en fait ma comblain parce qu'il me fait un vent de comblain. Et. J'étais, vous voyez, c'est mon rôle d'humain. Et dans le film d'en face qui dit ainsi. « Eh oh, où t'es pour ?» Il dit, « Tu me venais faire un plaisir ?» Du coup, elle venait direct chez Rival. Elle séparait de Morin à Rival, à des bastons. Mais dit, « L'énorme frère, dit, qui m'a apporté 50 kilos de farine de blé, dit, tu ne venais pas les courir, dit, t'en aurais un moitié. » Je ne savais pas déjà où c'était à Rival. À vélo. J'ai dit, à touriste, un pedre de riara. Y entonces que quentorem fer a masse, ma se i fare bare schede in sacco. E gli diam su ultim banavo mi dice, "Pues va, io fare che arriva al cori 50 kg di farina." A filo. Oh. Ma gli vale a tutti sta di van mondi se non è che kilo per mio sì. A filo mi voi a ricrival. E gli arriva a de uscel femma vero segni. Ah, di stal sei, va che va voi se te va. Oh. Ah, ma di stal li fem vegni. Pues alle soppia uno dur, uno era calo gichao, el mamma ta, uno era casa li cer giva 50 kg de farina. I somo, salto dur di stal. O lo fembur, e non ricannerà lì, e ben, non la voglio a mola. Puoi dire che con un due reussi, in alcuni che dici, chi fa vorresti con me sti? Mince, marho, dici. Marho? Ti vene di sti di morte per battere le pie di mola. O si ha, dici. Non avevo mai veduto. Le corpo di sti sempre più delicato fin sulla di sti, non si frempi gli aravo. Beh, io di nini si vorremmo adepti. E di sti on le poeta a bastogne la di sti per le ferferi sti, e con la bugia di corpo di sti, e non becet che casei. Ma mi come gli trampi per le pierir. E di, gli fa quei riali fede morte in molami. Ma gli avevi, si gli fede morte in molami, dice, poi devo fare in senti, gli non ha di sti, oi, ha di sti. Ja, mais d'autres, quand il s'est arrivé, nous, on voulait 50 kg de femme, il y avait 25 kg d'alphème, puisqu'il y avait un petit query. On m'a envoyé un homme à Tchon qui savait bien qu'il faisait des Martin Molin, mon clôson. En fait, j'arrive, et je bouge, il ne répondait pas, il y a une femme qui vient, qui query, monsieur, il dit, j'arrive à lever mon clôson, dit, mais on me répond. Oh, ma dit le clôson et moi, dit stèle, on a vendu tout le truc. Il n'a plus rien. Même qui comptait sur les Martin Molin de clôson, dit, vous ne savez pas qui a raté les affaires de clôson. Aussi, dit stèle, c'est ton marchand de poussure. C'est Evrard. Oh. Pour Tchambélo, on l'a vu, moi, Evrard. Il m'a Evrard. Quand t'avais raté les affaires de mon clos, on dit, t'avais plus de Martin Molin. Aussi, a dit, non, père, a dit, stylé, où, dit, hein, t'en vois les bons marchés. Bon, mais c'est tout, t'as bien gros Martin comme cela, t'as nous. Mais n'est-ce pas notre un pire. Qui bannez-vous? Je dis, ah, vous tenez un tour une volée, dit, ah, c'est pesant, on est prendre déjà ton cela. Au fait, il y en avait un pli. Une bonne mallette, je l'avais tapé en vélo. Bah, il n'y avait pas compris. Mais quand j'ai mis le feu, il dit trempe les mortes. Bah, il bougit sur les pires, et puis il le kiffe les bêtises. Il veut faire le bougif là. Je dis ça va. On l'a refilé, on l'a refilé, on l'a refilé, on l'a mis 400 jours après. Eh, c'était un marron. Oh. À des mortes. Bah, ouais, il dit qu'il y en avait une, il y en avait une à faire le voie, à vue. Pour les vues, il avait les mains. Oh, malheureux, dis-tu, qui les eustaient? Mon Dieu, s'ils sont aussi bons qu'ils sont bêtes, dis-tu, je sais quoi. Il y avait une pire qui était justement montée, parce que c'est deux pires qui tournaient sur l'autre, c'est des pires spéciales, non, c'est frère d'eux. Ben, l'oubain, dis-tu, nous allons saillir. Je ne peux pas tant que résister. Hein? Il faut que les mains sont mortes. Ça c'est bon, c'est des émotions spéciales. Et on va attaquer à bouillir. Et ça, pour le qui fait, elle retourne. Parce qu'il y avait une bêchette de chaque côté. Elle retourne. Il prend une autre. Ben voilà, c'est extra, hein, c'est. J'ai dit qu'il y a un battre, mais d'autres me pire, vous êtes mort, c'est. Autrement, le corps, c'est, il y a même des fallées pour mes signes, c'est, et je ne ferai plus rien. Qui vous? Oh, je dis de faire un, prends ce vous. Il n'a pas fait de blé, il n'a pas fait de fruits, hein? Il n'a pas fait de oise. Hein? Oh, ben, je lui fais 50 kg de farine. Prenons pour toutes les soirées, tu aurais pour faire des biscuits, pour les efforts. Mais quand je vais à Soulami, il avait un moulin chaud qui moulait pour les sentiers, Ils avaient un café qui m'allait pour ravitaillement. Ils avaient un bouchon qui m'allait. Ils avaient un cagénerie. On m'a attaqué à faire le tour de tous les bouddhis. Ils m'ont dit, non, je m'en monte à l'arfille. Pour que vous sachiez que les mortes. Aussi, normalement. Bah, je disais, c'est pour le faire, non, bah, oui, hein. Eh bien, j'ai dit, il faut les mortes, il faut les mortes. Quand j'ai dit, il faut me donner 15 ou 20 kilos de farine. Enfin, il y en avait là dans les mains. Et j'ai tiré un plot. Et j'avais dit, il faut faire une avance. Ben oui, puisque. Avant le ravitaillement, et ce qu'il y avait aussi plus. Hein? Parce que je faisais le tour contre les mains, mais pas pour être sûr de nettoyer à moi aussi. Voyage de Monsieur Bemer-Léon, né à Géraumont-Comblain-aux-Pont, résident Géraumont-Forgeron. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs de Chêne et Mikils. Nous, on travaille ici, à l'ouvert, Charles. C'est des garrets comme des valets-houirs, Charles. Non. Eh bien, c'était vraiment des petits messes. C'était un petit patron. On avait un trou, l'autre en avait deux, non, et deux garrets, par exemple, non. Et il rapportait le destin vieux, mais papa avait une faute. D'ailleurs, quand j'amenais en monte, en mai 1908, mes papas travaillaient faire le falis. Il arrive nous Charles parce qu'il était venu en monte, Charles, et pour ne plus faire le voie, il a fait une faute, Charles, et il a fait le barreau, Charles, ça tue des poèmes que mes papas travaillaient. Et il a vu, oh, il a vu jusqu'à 250 ouvriers, Charles. Oh, c'était important. Là, il fallait ouvrir les charrois qui n'avaient pas les veaux et les chérettes pour faire emmener sur la gare du Comblain. Au train d'abord, c'était une incommode. On venait faire des soulages ou des gros camions pour aller directement sur l'ouvrier. On les menait à la gare et à la gare, on avait des hommes qui transbordaient les choses, les pires des camions, des chérettes plus ou moins, non, sur les wagons de l'État. Eh bien, mais j'allais faire ce qu'on a comme blanc, et les hommes, ils avaient une tenace modernisée comme vous. Eh bien, ils avaient une poignée de fier, ils raccordaient un dîner pour me faire le fier, sur le temps qu'on manif, et pour les reprendre, quand ils avaient manif, en général, ils savaient, mais quand j'arrivais à l'école, ils partaient. Léon, va pour me donner un coup de main. Ça fait, à 2 ans, j'arrivais déjà en pointe et en fier. Pour ne refaire abeille, pour que les hommes ne perdent pas le temps. À 2 ans, ça fait 10 pour 2 ans. Et il y a cessé Charles. Il arrive qu'il travaille quoi, c'est parce que pour le moment, ça te l'hiver, non. J'ai travaillé, tu dis sûr, jusqu'à en 73. Ça fait, je te dis, j'ai travaillé une affaire de 55-56 ans. J'ai attaqué à travailler complètement à 14 ans. J'avais appris, déjà, à vous, mon papa ainsi. Puis quand j'avais 14 ans, mon papa a dit, ah, c'était maréchal. Enfin, j'ai attaqué à refaire en mort aux estés. J'ai travaillé, non, à mon papa est vieux. J'étais vieux à ce moment-là. Et en Bayou, il avait dit non, puis Joseph le Mesti, qui faisait les justes. Et voilà, on messe de Comblain-Tour, il appelait Bouffon, qui vient trouver mon papa, il dit, ben, dis-tu, tu l'as eu même des gamins, dis-tu, travaillé à des nous autres. Oh, ben, dis-tu, il est trop jeune, hein, dis-tu. Ben, si, hein, dis-tu, il s'est bien fait toutes les justes, dis-tu. Il n'en a pas d'avoir des courriers, nous n'estons pas autant que cela, nous autres. Hein? Ça fait, il va être 3 jours par semaine, dis-tu, ça ira. Ça fait, oh ben, dis-tu, mes papas, on t'arrête de bains de plomb. Ça fait, voilà, les semaines suivantes, mes papas qui demandent à maman qu'il y fasse des tâtes, et voilà, ils vont travailler à Comblain-Tour. Mais moi, je ne me rêve pas sur vos charmes. Et il n'avait qu'un copain de vrai tchal qui nous a comblé le tour. Mais seulement, il buvait volte le gâte à ce moment-là. Ça fait une avance frais qu'il m'arrive à comblé le tour. Et quand il est venu de Pierrier, il passait pour comblé le tour. Et chaque fois que mon papa avait travaillé à comblé le tour, il est venu de ça. Et ça n'allait plus où j'allais. Au fait, il y avait un truc de semaine qui s'adirait. Il y a une maman qui dit, « Eh, dit-elle, n'est-ce pas un peu qui bouffe en me cahier ?»« Oh, si, hein ?» Il m'a dit, « C'est papa qui y va, mais nous avons les quoi-quoi tout court, dit-elle, hein ?» Quand il réveille les sous, et puis vers Mini Margay, et puis vers Yves Batsoté, parce que t'en es tiré aussi. On m'a dit, « Je l'y allons après, qu'il m'a qu'il faut qu'on fasse. » Et demain matin, il me livre plus tard, on le défie à aller. Il dit à ma femme de tête, et j'y vais aller. Ça fait qu'on se livre, où est-ce que tu es de toi? Oh, mais, où t'es bien, dit-elle. Il a voulu qu'il livre dans des tête, comme c'était lui qu'on avait gagné pour aller sur la rue, dit-elle. Et bien, il a pris le briquet, il était venu travailler sur la rue. Ben, si il y en a, Lucille, dit-elle, il n'est capable d'aller, là, dit-elle. Ben, tu dis, dit-elle, qu'il n'est capable, dit-elle. Mais seulement, il a copié de vrai Charles qui est sur la rue, t'as grévi Charles Tosseux, dit-elle. Elle est tout mort, hein, parce qu'il savait maintenir le plus burligot. Et il a travaillé, que ben, il n'a pas sur la rue. Mais non, c'est tout qu'il est marrant. Nous étions cinq gamins. Ça fait un avion qui est tout marrant au nu. Ça fait un jour en nuit, on dit mes frères qui disent ainsi. Oh ben, mais je suis allé mes yeux au nu, mais je suis allé aller travailler pour aller mon rivage. Oh, il dit, mais. J'ai dit, je ne travaille que trois jours par semaine à Solaoui. Rique-moi à l'ONU, j'ai dit, travaille à l'ONU. Bah, dis tu vas aller travailler en place, mais je ne vais pas qu'il y ait une assise, dis c'est un frère, il va aller remplacer. Bah, j'ai dit, ça n'a pas l'importance, mais c'est plus jeune que toi. Bah, dis tu il y a 4 ans de malheur, dis tu n'y vas pas de 4 ans de malheur. À ce là. Ça fait idée à mes ouvriers, à se trouver au marge. Mais il y a des gens qui ont trouvé au marge. Elle n'a plus. Tout le monde est occupé. Il y a un homme frère qui fait le marge à la oui. Si vous voulez, l'hiver. Quel âge a-t-il votre frère? Il a 16 ans. Il a 15 ans. Il a tué à l'école de 14 ans. Il a travaillé avec mon papa. Et à ce moment-là, il est marge à la oui. Oh, ben, il y a des gens qui viennent nous faire. Ça fait, j'ai travaillé, j'ai là au ONU, et j'ai travaillé là jusqu'à, j'avais 18 ans, je faisais flévoir tous les jours, j'ai roulé au ONU, et puis on a fait greffe, et j'ai travaillé dans les ouvriers après l'île. Puis j'ai été sauveur, et quand j'avais été sauveur, j'arrive devant les pierres champs, et j'ai travaillé 3-4 ans devant les pierres, ma mariée. Puis j'ai fait bâti vos chants. Un maréchal tout le temps. Mais j'ai avoué toutes les anecdotes d'aller travailler en Lichon. Parce que, attention, nous autres, c'est ce de Marha, mais vous avez sous la vraie maison. Mi grand-père est de Marha, et mi arrière-grand-père est de Marha. C'est un Allemand. Il est de nous faire Marha à Horis. Et il a vu trois filles. Et n'avait enquêté j'allais dire au mot, et non qu'à mourir à Horis, et non qu'à tatilu. Le citoyen de Horis, c'est tu qu'on marra, le citoyen de Charles, c'est tu qu'on marra, mais c'est tilu, le citoyen de mourir après tilu, c'est n'est-ce qu'on marra, il a tu de valer huir. Il est un caïto huir après là. Mais, quand j'ai tu travaillé à l'île, j'ai tu fait tout tour de l'Ovricon, c'est devenu Charles. Ça fait quand j'ai été marié, j'ai amené le travail au chal. Et puis, la guerre a amené. J'ai été à la guerre, j'ai fait 18 jours de guerre comme tout le monde. Mais seulement, quand j'arrive nous, on ne travaille plus. Il n'y avait plus d'homme qui travaillait. En fait, j'ai travaillé, tu potais 20 heures ou l'autre ainsi. Puis j'ai travaillé au chemin de fer devant les ponts qu'on avait fait sauter. Et puis on baillou, on m'avait mis tout comme mestre ouvrier au pont. Ben oui, comme c'était on pouvait le porter. Et j'étais avec toutes sortes d'hommes qui l'ignoraient, ils avaient des manœuvres de toutes les sortes. Et on joue, et les chefs qui me disent, il faudra aller chercher juste les colonnes qui sont là dans le chemin de fer pour les mener au pont de Hamer, pour lever les ponts de Hamer. Enfin, il dit, si c'est comme que tu as vu, on va aller interdit les colonnes qui sont là dans le chemin à faire. Enfin, il y a un qui dit, on dit que tu es bien, merde, tu n'as pas crevé. On va interdire à bouquet de pont là, on va interdire les colonnes là. Bah, j'ai dit, écoutez, bah, nous restons dans les routes, si nous travaillons là, et qu'ils viennent au mess, on se va faire traquer sur toi et vous, comme pourri. Enfin, allez. Bah, il y avait nous qui bougeaient, mais il y avait élevé les colonnes, tout en même temps, Charles le patron. Ah, il dit, c'est un signe. Tout le monde au bureau, il dit. On peut liquider tout le temps. Enfin, je n'ai pas compris comme pourri à vous autres, parce que je n'aurais jamais levé les colonnes d'autres, mais... Enfin, puisque les autres ne les volaient pas à lever à vous, c'est tout des grands bazars qu'on mettait les poulies pour lever les boquettes de pont. Et j'ai travaillé à l'île, j'ai travaillé tout en temps devant les ateliers à l'île. Mais comme je savais faire bien fourrier, et Charles, qui on avait appris, qui on avait... Raouhi ou Morte, ou un burin, ou une pioche, ou n'importe quel ustail, il fallait qu'on ne sache pas le trimper. C'est vraiment les spécialités, c'est de forger la cire et de le trimper. Ça fait un jour, vous me l'avez devant un atelier Rovimnis, et bon, donnez, Rovimnis, non? Et il y a une mode provisionnelle. C'est-à-dire, il y avait tout à l'office de travail. Et l'office de travail me dit, il manque un marchand seulement, il y a trois ou quatre qui ont tu, c'est ton poste faire mal à lui, et quand il y a un mari de trois jours, on les met à l'autre parce qu'ils ne comprennent pas. Il dit, non, quand il y a l'avance d'aller, c'est des qui va dans la campagne, si c'est des marchands de fabrique, ben, l'employé va rester de le faire. Oh, ben, je dis, il y a mon temps, dites-moi. Ben, je dis, on comprenne, rapporter le carte, et on verrait, non, que le poste est collé. Vous me l'avez donné. Ça fait un employé qui va. Pourquoi est-ce, monsieur? Bah, je dis, on m'a envoyé de l'office de travail comme quoi qui manquait pour marchand. Bon, vous êtes marchand, dis-tu? Oui. Je vais venir. Oh, je vais être comble. Je comble, hein? Oh, oh. Fait, regardez, dis-tu, je vais mettre en contact avec le patron. Ça fait, il va trouver le patron. Et il dit, il y a un homme là qui est venu de l'office de travail pour avoir de l'ouvrir comme marchand. Et voilà le patron qui dit, ah ben, fais-le venir. Et vous me l'avez bureau de patron. Et voilà qu'il attaque à déployer des plombs. Bah, bon, Charles, on ne faisait que des ustailles de périr, mais il n'y avait moins de travailler après le plomb. La fait, il dit, voilà, dirige bien sur cette soule, dit-il. Ben, il dit, comme il y a le loup, il me semble qu'il est torsor. Il avait toutes les roues. Oh, il dit, c'est torsor. Mais c'est des grosses arbres, dit-il. C'est pour les belles fleurs du huir. Je dis, écoutez, ben, je n'ai jamais fait un ouk, je n'ai jamais vu un ouk. Mi mesti, c'est réparateur du stage pour les périr et forger. Je sais bien sauder les fiers et la cire, et deux bouquets de cire et deux bouquets de fiers, mais quand on me fait des ressorts, je n'ai jamais fait de ressorts. Vous verrez attaquer l'onde, dit-il. Oui, dit. Et je ne serai capable, dit. Je ne vais pas me chaler, dit. Pour me taper vos martiandais. Ah, puis il faut être raison, dit-il. Parce qu'il est si comme nous, dit-il, ça va faire, toi, dit-il. Et quand on sait qu'il est à l'église, il dit qu'il ne savait plus rien faire. Et vous dites que vous avez déjà signé, mais que taper le marchandais. Vous êtes déjà plus intéressé que ça, vous dites. Ah ben, j'ai dit, mais travailler, il faut me compter à vous. Ah, il faut me attaquer, l'on dit. Ben, j'ai dit, mais je suis marié, il y a des enfants, dit. Ah, mais dit que nous nous arrangerons. Mais qui va arrêter à l'heure? Je vais venir deux francs de mer à l'heure pour attaquer, dit-il. Fur et à mesure que vous travaillerez, vous n'avez pas besoin de demander une augmentation de salaire, je vous augmenterai de vous-même, de moi-même. 19,50 s'il vous plaît. 19,50. Sortez en 44. Les Américains quittent un lit. Donc, les robots, ils n'avaient que des robots tout main. Ils n'avaient correctement qu'il faut détruire des ouvriers une base. Ah ouais! Parce qu'il faut me mettre même qui y a là, parce qu'elle dit, tu vas aller faire tout et avoir les robots. Ça fait, vous me l'avez attaqué. Et voilà le patron qui dit, on me donne un plan. J'allais mettre ouvrir, il m'explique, il dit, voilà les autres faisaient ainsi et autrement, non. Bon, on avait une barre de fer, comme tout là, une barre d'acier, qui avait un diamètre de 9 cm de diamètre. Il fallait s'y teindre à 4 cm, 4 cm, 4 cm 2, 4 cm 3, vous voyez. Et il fallait, elle ne fait une bidouille qui, quand il était tout tendu, il fallait faire tourner le centre, elle ne fait, on sort, on sort. Ça fait, à tête de bateau, mais il y avait deux pilons, il y avait un pilon qui n'avait pas fait aller, donc, il y avait un qui bouillif à 50 kg, il y avait un qui bouillif à 250 kg, une fois d'un demandé, quand sur la train d'œuf, qu'il a tout, qui avait ton bateau qui tremblait. Ça fait, il y avait une marée un jour, pour faire un. Et il était bon, c'est-à-dire qu'il, tu n'étais rien dans le film, mais quand il était tourné, il fallait qu'il fasse bon, ça fait, il était bon. Oh, mais c'était toute une affaire. Ben, alors, il a attaqué, non, il meurt 3 jours. Ça l'a mis. Mais il avait environ à demi, qui ne fait qu'il est trimpé, lui. Parce que là, aux apportifs, toutes sortes d'affaires des autres ateliers, pour trimper, il avait des forts à l'électrique, et on choquait toutes sortes de pièces devant des bacs. Devant les forts, et ils trempaient. Ils avaient toutes sortes de bazar pour les vélos, par exemple. On a porté toutes sortes de bazar, toutes sortes de nippes, toutes sortes d'affaires qu'il fallait qu'ils fassent cimenter comme l'homme tout là. Ça fait un jour, voilà qu'on m'a prêté un bouquet d'acier à peu près des mêmes diamètres qu'il faisait faire tour, comme tout là. Il fallait s'y pâter, il fallait faire un roulement à bille. Pour dire l'anecdote qu'il va raconter. J'espate les choses, les bouquets d'acier. Quand il espatait à la maison, comme on avait dit, mais il fout devant les saintes, mais il fallait qu'on tourne. Ça fait, quand il est frais, on vainquerait, on tourne, on fait un roulement bien, mais c'est un gros bazar. Et quand il faut retourner, on ne rappelle pas le train payé. Ça fait mieux que ce camarade vous l'homme là, il dit ainsi, qui m'a trempé ton sur la jambe. Oh, bah, c'est ton simple, hein, dis-tu. Mais j'ai chauffé un CRL, dis-tu, j'ai le chauffé fort, et quand il est roche, j'ai le chauffé CRL. J'ai trouvé que c'était une drôle de trempe pour tremper au roulement à bain devant un CRL. Mais enfin, puisque c'était ce métier. Et j'étais en train de travailler, et voilà qu'il est, les choses, il s'appontait. Pour tremper les roulements à billes. En fait, il y a le kiff. Mais quand tu es là, tu ouignes les bouquets d'acier. Pourquoi bien le temps, je dis, ben je dis, je te dis, parce qu'il ne va rien à l'autre, c'est là. Tu es tombé malade, je dis, il y a de la trempe des meilles. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne va rien à l'autre? Tu ne l'en as pas ouigné, dis. Ouigné. Moi, ouigné le bouquet d'acier, je dis. Il dit, bah c'est alors dit, ce qui t'en a trempé, c'est dit. Pourquoi dis-tu? Parce que mi quand il trempe un mortier, ou une pioche, ou un burin, et que je l'ouïe, dit, ben il rattaque, dit, c'est parce qu'il ne va rien, il va être trop dur. Mais il est solo, mais dit-tu. Enfin, on va inquérir le roulement, et on va au bout des preuves, ils sont éprouvés. On rappelle, mais c'est tout en pédriquette, tout en bouquet. Enfin, non, mais c'est vrai qu'est-ce qu'a foutu à vous là, dis-tu, le qui au pot. Ben, dis-tu, j'ai dit, il a venu et gagné un macré, dis-tu. Oh, dis-tu, pourquoi? Ben, et quand il a tapé, dis-tu, non, c'est là que m'a menu, dis-tu, qu'il va rire. Ça n'aura pas trop, vous vous trapez, dis-tu. On refait l'opération.